Aurore déposa avec précaution le dernier vase qu'elle venait de remonter. « Et voilà, cette fois tout est rangé, puisque tu ne voulais pas les garder en bas. » Du fond du grenier, Pascal se mit à rire. « À quoi servent des vases sans fleurs ?» Elle furetait parmi de vieilles valises couvertes de poussière et entassées dans un coin obscur. Certaines portaient des étiquettes rédigées de la main de sa mère. Rideaux de la bibliothèque, dessus de lit, chambre du bout. Camille avait-elle cru que ces tissus pourraient resservir un jour ? Envisageait-elle de revenir habiter Pérols lorsque son mari prendrait sa retraite ? Pascal souleva un couvercle et sentit une vague odeur de naphtaline. Des feuilles de papier journal couvraient des étoffes bien pliées que les mythes semblaient avoir épargnées. Elle jeta un coup d'œil vers Aurore et décida de ne rien dire de ses trouvailles, afin de ne pas les voir accrochées partout à travers la maison. « J'adore explorer ton grenier. C'est aussi excitant que d'être chez un brocanteur avec un bon d'achat illimité, » lança Aurore. « Regarde cet amour de coiffeuse. En réparant le pied cassé et en changeant le miroir, elle ferait très bien dans une chambre, non ?» Abandonnant les valises, Pascal la rejoignit. « On a assez travaillé pour aujourd'hui, » décida-t-elle. « En tout cas, la soirée d'hier était fantastique. Tu as eu 1000 fois raison. » Elle le pensait sincèrement, bien qu'elles aient dû passer une partie de l'après-midi à faire la vaisselle, comme prévu. « Tu as besoin de te détendre, Pascal. Dans le service, tu bosses 12 heures par jour, et tu es continuellement sous pression à cause de Nadine Clément, au point de ne même pas te rendre compte des ravages que tu suscites. Georges, le kiné, te regarde avec des yeux de merlan frit, ce qui ne fait pas mon affaire parce qu'il me plaît beaucoup. D'abord, il n'est pas médecin, ceux-là, je les mets tous dans le même sac avec une pierre au fond et hop dans le Tarn. Ensuite, j'adore son humour, il... Tiens, c'est quoi ça ? » Ayant ouvert le tiroir de la coiffeuse, elle avait machinalement passé sa main au fond et en ramenait une pochette de plastique gris tout écornée qu'elle examina une seconde avant de la passer à Pascal. « À mon avis, il y a des bons du trésor là-dedans, ou alors des lettres d'amour. »« Pour Georges, » dit Pascal, « tu as le champ libre, il n'est pas du tout mon genre. » Le plastique avait un peu fondu avec le temps et la chaleur du grenier, mais elle réussit à en extirper une sorte de carnet qui se révéla être un vieux livret de famille. « Je te rappelle, » ironisa Aurore, « que si ton genre c'est Laurent Villeneuve, il ne faut pas que tu... »« Oui, oui, je sais. » Sourcils froncés, Pascal relut 3 fois les quelques lignes qu'elle avait sous les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » marmonna-t-elle. Aurore vint jeter un regard par-dessus son épaule. Extrait de l'acte de mariage en date du 16 avril 1966. Époux, Coste Raoul. Épouse, Montague, Camille, Huanglan. Atterré, Pascal revint à la première page. Ville de Paris, mairie du 12e. C'est ridicule. Maman et papa se sont mariés en 1970 à Albi. Elle ferma le livret une seconde, le considérant d'un œil critique. Malheureusement, il semblait tout à fait authentique. De nouveau, elle l'ouvrit, lut encore, tourna un feuillet. Les actes de décès des époux étaient vierges, mais dans la case « premier enfant » était inscrit un nom, avec la signature d'un officier d'état civil. Le 3 août 1966, à 9h15, est née Julia Camille Nan Coste. Là non plus, il n'y avait rien dans la case d'essai. « J'ai des photos du mariage de mes parents, » articula-t-elle d'une voix blanche. « À l'église. » Et à l'église, à moins d'être veuf comme papa l'était, on ne peut se marier qu'une fois. Sauf si tu t'es contentée de la mairie pour la première. Avec la tombée de la nuit, les ombres envahissaient le grenier, malgré l'ampoule électrique. Raoul Coste, Julia Coste, bon sang, qui sont ces gens ? Le plus simple était d'appeler son père. Elle allait le faire tout de suite. Il existait forcément une explication simple, à laquelle Pascal, trop choqué par sa découverte, ne pensait pas. Henri allait la lui donner, enfin, peut-être. Peut-être seulement. Car de quelle façon justifierait-il ce mystère ? Pourquoi ni lui ni Camille n'y avait-il jamais fait allusion ? Une incontrôlable envie de pleurer serrait la gorge de Pascal, et elle sentit qu'Aurore la prenait par le coude. « Viens, descendons. » Les doigts crispés sur le livret de famille, Pascal se laissa entraîner jusqu'au rez-de-chaussée. Une fois assise à la table de la cuisine, les coudes repliés et le menton dans les mains, elle essaya de faire le point, tandis qu'Aurore, silencieuse, mettait la bouilloire à chauffer. Ainsi, sa mère aurait été mariée à 21 ans, tout juste, et déjà enceinte, puisque le bébé était arrivé 3 mois plus tard. Une petite fille prénommée Julia, avec à la suite un prénom vietnamien, comme Camille elle-même, qui devait avoir 39 ans aujourd'hui. la fille aînée de sa mère, dont Pascal n'avait jamais entendu parler. Pas un mot, pas même une vague allusion. Cette Julia Coste n'existait pas dans la famille Fontanelle. Évidemment, elle avait pu mourir en bas âge, mais pourquoi le cacher ? Téléphone à ton père, tu en auras le cœur net, suggéra Aurore, en posant deux tasses de thé fumant sur la table. Avec la joie de vivre, la gentillesse était l'une des principales qualités d'Aurore. Sans elle, que serait devenu Pascal ? Oui, Pérol était trop grand pour une femme seule, ainsi qu'on le lui avait rabâché, et la présence d'une amie changeait tout. À elles deux, elles avaient arrangé la maison en un rien de temps, piqué des fous rires, parlé des nuits entières en astiquant les objets récupérés dans les profondeurs du grenier. Elles s'étaient amusées, confiées l'une à l'autre. L'arrivée de l'hiver les trouverait, le dimanche, pelotonnées sous une couverture devant la télé, et au printemps prochain, elles jardineraient ensemble pour redonner un peu d'allure au parc. Irremplaçable Aurore, sans qui Pascal n'aurait peut-être jamais ouvert le tiroir de la coiffeuse. « Si tu n'étais pas là, murmura-t-elle, je serais sûrement en train de pleurer. Je m'aperçois que je ne peux pas poser la question à papa, parce qu'il ne me répondra pas, ou pas la vérité. À l'évidence, il s'agit d'un secret bien gardé. Pourquoi veux-tu qu'il parle aujourd'hui ? Tu as le droit de savoir. C'est de ta mère qu'il s'agit, de ta sœur, enfin, ta demi-sœur. » Le mot était lâché. Quelque part dans le monde, il existait une femme qui était sa demi-sœur. Le même lien de parenté, ni plus ni moins qu'avec Adrien. « Si elle vit encore, murmura Pascal, je vais la retrouver. » Elle n'avait pas d'autre solution, comprenant d'avance qu'elle ne serait pas en paix avant d'avoir découvert la réalité. « Tu crois que ton frère est au courant ?»« Je ne crois pas. » »« Ou alors c'est à douter de tout le monde. » Malgré notre différence d'âge, nous étions très proches et très complices, Adrien et moi, jusqu'à ce que j'épouse Samuel. Je ne l'imagine pas me cachant une énormité pareille. Mais elle n'en était pas sûre. Une heure plus tôt, elle aurait juré la même chose de son père, et pourtant. « Je vais écrire à la mairie du 12e arrondissement à Paris. Si Julia Coste est décédée, ce sera inscrit sur leur registre. On ne peut enterrer personne sans contacter la mairie de naissance, c'est la procédure habituelle. À partir de là, je verrai ce que je dois faire. » Aurore la dévisagea en silence, puis elle se leva pour allumer les lumières. Aussitôt, l'atmosphère de la cuisine devint plus chaleureuse, et Pascal refoula de nouveau cette stupide envie de pleurer. Sa mère avait été une femme tendre, douce, qui s'était entièrement consacrée à l'éducation d'Adrien et de Pascal. Elle adorait les enfants. Elle avait forcément aimé cette Julia. Quand et comment l'avait-elle perdue ? Le père, Raoul, l'avait-il emmenée, enlevée ? Et lui, qu'était-il devenu ? Mais surtout, et cette question-là était la plus douloureuse, pourquoi avoir fait de ce morceau de vie un tel mystère ? Certes, Camille parlait peu et presque jamais d'elle-même. Avare de confidences, elle n'évoquait ni sa jeunesse ni sa famille avec laquelle elle était brouillée. « De méchantes gens !» disait-elle seulement. Exception faite de son père, celui qui l'avait ramenée d'Hanoï. Du Vietnam, elle ne conservait évidemment aucun souvenir, hormis l'identité de sa mère, qui s'appelait Léa Ndao. Tout ça n'avait rien à voir avec un Raoul Coste sorti de nulle part. « Comment peut-on en savoir aussi peu sur les siens ?» soupira Pascal. Paradoxalement, elle connaissait bien l'histoire paternelle, avec la dynastie de médecins albigeois dont Henri était issu. Adrien et Pascal, comme tous les Fontanelles, avaient prononcé le serment d'Hippocrate, perpétuant la tradition. Il existait même une rue portant le nom d'Édouard Fontanelle, chirurgien au XIXe siècle. Mais des Montagues, rien. Juste cet officier qui avait ramené d'Indochine la médaille militaire avec palme, et un enfant adultérin. Camille n'en disait pas davantage. Sauf qu'elle n'avait aimé que deux hommes dans sa vie, le capitaine Abel Montague et Henri. Nulle mention d'un quelconque Raoul. Une erreur de jeunesse qu'elle aurait voulu effacer ? Pas en abandonnant un bébé, c'était impensable de sa part. Elle disait toujours avec un amour infini « Mes deux enfants, j'ai deux enfants. » Adrien, qu'elle avait fait sien, et Pascal. Mais parfois l'expression était « J'ai eu deux enfants. » Personne n'y prêtait attention, évidemment. « Je vais nous préparer quelque chose pour le dîner, » décréta Aurore. « Et ne me réponds pas que tu n'as pas faim. » Rien au monde ne faisait perdre son appétit à Pascal. C'était légendaire. Aussi n'eut-elle pas le courage d'avouer à Aurore que, pour une fois, l'idée de manger lui soulevait le cœur. «